Chapitre 13e. Tea for Trouble and Trouble for Tea. Pendant 3 jours, les frères Taburet affichèrent un comportement d'une banalité presque affligeante. Dans la lumière dorée des matinées automnales, ils s'activaient au cœur de la forêt, leurs haches résonnant sur les troncs d'arbres. Les promeneurs, peu nombreux dans cet endroit reculé, les saluaient d'un signe de tête, parfois d'un sourire, impressionnés par leur ardeur au travail. Leurs activités, tout en simplicité, semblaient tirées d'une pastorale. Chaque matin, Mathieu et Mathias se rendaient à la supérette de Bellem pour leurs provisions. En chemin, ils passaient par la boulangerie, plaisantaient avec la boulangère et payaient en petites coupures, comme tout honnête homme. En fin d'après-midi, on les retrouvait attablés à la terrasse du bar de midi sur la place de l'église, échangeant des propos de café de commerce avec des habitués. Ils parlaient de tout et de rien, la météo, les récoltes, les exploits de l'équipe de foot locale, tout en affichant une simplicité presque caricaturale. Pour quiconque les observait, ils savaient qu'ils étaient observés, les frères Taburet n'étaient que 2 travailleurs agricoles modestes parfaitement inoffensifs. Pas des lumières, mais des gars bien, aurait pu dire n'importe quel habitant du coin. Mais derrière cette façade anodine, ils exécutaient avec précision les instructions de Victor, suivant la lettre son mot d'ordre sans équivoque, « Soyez ennuyeux ». Pas d'aller-retour suspect au château, aucune visite au laboratoire clandestin et surtout rien qui puisse éveiller le moindre soupçon. De son côté, Brandon Carruthers, toujours déguisé en faux écossais, n'était pas dupe. Vêtu de son costume à tartan, sa perruque rousse bien en place, il suivait les jumeaux à bonne distance. Planqué derrière des buissons ou adossé à des arbres, il scrutait leurs moindres gestes avec une intensité presque comique. Dans sa tête, leur comportement irréprochable n'était qu'un écran de fumée. « Trop ordinaire pour être honnête », nota-t-il dans son carnet. À ses yeux, cette banalité cachait quelque chose de plus grand. Chaque sourire échangé au bistrot devenait une transaction codée, chaque coup de hache dans la forêt une tentative de masquer une activité illicite. Carruthers remplissait frénétiquement son carnet de détails insignifiants, persuadé qu'il révélerait, une fois mis bout à bout, une conspiration internationale. 8h35, les sujets achètent du pain, du jambon et du beurre, motif inconnu. 9h46, les sujets déplacent des bottes de paille dans un champ, probable tentative de dissimuler un passage souterrain. 11h12, Mathias s'arrête pour acheter ses lacets, possibilité d'un signal discret envoyé à un observateur. 12h20, les sujets trinquent au bistrot, complicité affichée avec le patron. 14h50, Mathieu semble murmurer quelque chose à Mathias, probablement un code. 15h10, les sujets creusent dans le champ, prétexte agricole suspect pour dissimuler une cache d'armes. 17h45, Mathias taille un morceau de bois avec un couteau, objet sculpté, peut-être un message crypté destiné à un complice. 18h33, les sujets trinquent à nouveau au bistrot, rituel répétitif suggérant un réseau de contacts. Le plus troublant aux yeux de Carruthers était l'absence totale d'interaction suspecte avec le château ou tout autre lieu stratégique. Pour lui, cette banalité exacerbée ne pouvait être qu'un leurre savamment orchestré. Ces deux-là devaient se douter qu'ils étaient sous surveillance. Leur calme apparent n'était pas naturel, c'était un masque, une stratégie raffinée pour le pousser à relâcher sa vigilance. Dans son esprit, l'anglais surveillait déjà au sommet de son art, mettant au jour une conspiration tentaculaire. Il imaginait l'instant glorieux où il découvrirait que ses prétendus bûcherons, avec leurs chemises à carreaux et leurs camionnettes brinque-ballantes, n'étaient que les rouages bien huilés d'un cartel international. Réprimant un sourire de triomphe anticipé, il ajusta discrètement sa perruque, satisfait de son propre génie et de son rôle d'ombre invisible dans cette traque. Pendant ce temps, dans la camionnette cahotante, les frères Taburet roulaient vers leur prochaine coupe de bois, secoués de rire. Mathias, un sourire en coin, lança. « Tu crois qu'il est toujours planqué derrière le sapin ?» Mathieu, sans même détourner les yeux de la route, haussa les épaules. « Probable. Il doit déjà avoir noté qu'on abat des arbres pour fabriquer des kalachnikovs. » Les deux frères éclatèrent de rire, leurs éclats résonnant dans l'habitacle, avant de se garer en lisière d'un bosquet. Ils attrapèrent leurs outils, prêt pour une nouvelle après-midi de couple dans une sérénité totale, inconscient de l'étendue de la paranoïa de leur espion. Tandis que les frères Taburet occupaient Carothers avec leur routine irréprochable, Victor Davron s'activait dans son laboratoire clandestin dissimulé dans l'ancienne métairie. Autrefois cœur agricole du domaine, cette bâtisse de pierre restaurée avec soin avait été transformée en un complexe ultra-fonctionnel grâce au génie bricoleur des frères Taburet. Les murs épais cachaient désormais des installations high-tech, des conduites d'air dissimulées, des tables en inox et des équipements de chimie dernier cri dignes d'un laboratoire scientifique. Dans cette pièce baignée d'une lumière artificielle froide, Victor s'affairait avec la précision méticuleuse d'un horloger. Ses gestes, fluides et calculés, évoquaient ceux d'un chirurgien en pleine opération. Posé devant lui, une petite étiquette sur un flacon attirait l'œil. PTC, SK, pète ton crâne, spécial keuf. Une touche d'humour qui contrastait avec l'atmosphère clinique de la pièce. « Rien ne vaut une bonne tasse de thé, » murmura-t-il, en versant une dernière solution dans une fiole. Le breuvage qu'il concoctait, un hallucinogène redoutable, était une véritable prouesse chimique. Inspiré de substances psychotropes, il avait perfectionné la formule pour provoquer des délires psychotiques rapides et intenses tout en restant indétectable. Une pointe d'ergoline, un soupçon de guarana et un neutraliseur de goût suffisaient à transformer cette potion en une arme invisible capable de se fondre dans la plus innocente des infusions. Victor recula d'un pas, observant son œuvre. La solution, translucide, scintillait sous la lumière froide des néons, presque hypnotique. « Parfait, » murmura-t-il avec un sourire de satisfaction. Il s'attela ensuite à la tâche avec soin, remplissant plusieurs sachets de thé avec la poudre. Chaque bord était discrètement marqué d'un minuscule point rouge, invisible pour quiconque ne savait où chercher. Une fois son travail achevé, il plaça les sachets dans une boîte métallique qu'il referma avec précision. Dans la cour, Betty attendait, adossée à la porte. Victor lui tendit la boîte en la fixant intensément. « Ces sachets doivent être dans sa chambre ce soir, » dit-il d'un ton ferme. « Aucune erreur, pas un mot, pas un geste suspect. » Betty acquiesça d'un signe de tête, conscient de l'importance de sa mission et disparut dans l'obscurité. Victor, quant à lui, retourna à son laboratoire, satisfait mais concentré, prêt à poursuivre ses travaux. 20 minutes plus tard, Betty gravissait les marches de l'hôtel Saint-Louis comme si de rien n'était, souriante, professionnelle, imperturbable. Une fois dans la chambre de Carothers, elle ne perdit pas de temps. D'un geste rapide et précis, elle retira les sachets de thé d'origine et les remplaça par ceux préparés par Victor. Puis, le cœur battant, mais sans éveiller le moindre soupçon, elle referma la porte derrière elle et s'éclipsa. Depuis la métairie, Victor suivait chacun de ses mouvements sur les écrans d'un vieux moniteur, relié à une caméra discrètement installée dans le hall de l'hôtel. Il observait Betty regagner l'accueil, son visage impassible, ne laissant transparaître aucune émotion. Pourtant, un léger éclat de satisfaction dans son regard trahissait sa fierté. Arrivée derrière le comptoir, elle sortit discrètement son téléphone portable et appela Victor. Avant décrocha la première sonnerie. « C'est fait !» annonça-t-elle simplement. Un sourire en coin attira les lèvres de Victor. « Parfait. Maintenant, laissons le thé faire son effet. Si tout se passe comme prévu, il sera bon pour la rubrique des faits divers. » Betty éclata de rire. « Tu crois vraiment qu'il va avaler ça sans se poser de questions ?» Victor ajusta une fiole bouillonnante sur son établi d'un geste détendu. « Les paranoïaques sont les plus faciles à berner. Ils cherchent des complots partout, sauf là où ils se trouvent. » Victor marqua une pause avant d'ajouter « T'as bien bossé. Si Carothers pète les plombs, ce sera grâce à toi. » À l'autre bout de la ligne, Betty esquissa un sourire tout en inspectant distraitement le comptoir de l'hôtel. « Bah, arrête. C'est toi le cerveau. Moi, je suis que tes mains. » Victor s'apprêtait à répliquer lorsqu'un bip discret attira son attention. L'alarme de son moniteur venait de se déclencher. Il tourna rapidement les yeux vers l'écran où il aperçut Carothers en train de revenir vers l'hôtel, l'air aussi méthodique qu'à son habitude. « Il est là, » dit-il calmement. « Prépare-toi à couvrir nos arrières. Si tout se déroule comme prévu, dans quelques heures, ce type ne sera plus différencié en écureuil d'un terroriste. » Le lendemain matin, fidèle à son rôle d'écossais méticuleux, Carothers s'appliqua à suivre sa routine. Après avoir enfilé son trench beige et ajusté soigneusement sa perruque rousse, il prépara son thermos, versant de l'eau bouillante sur les sachets de thé déposés dans sa chambre. Il inspira longuement le parfum de l'infusion, un sourire satisfait éclairant son visage. « Rien de tel qu'une bonne tasse pour stimuler les méninges, » murmura-t-il en glissant son carnet dans sa poche intérieure. Ses carnets sous le bras, il quitta l'hôtel, fermement résolu à reprendre la filature des frères Taburet. Persuadé que leur comportement irréprochable dissimulait un secret, il se préparait à analyser chaque détail de leur journée. Ce qu'il ignorait cependant, c'était que son plus grand ennemi cette fois ne se cachait pas dans les bois, mais dans les méandres de son propre esprit. Peu après, Carothers s'installa confortablement sur une souche moussue, son thermos posé à ses pieds, et ses jumelles braquées sur les jumeaux. Devant lui, la scène avait des allures de tableau champêtre. Les frères, vêtus de chemises épaisses et de pantalons usés, s'acharnaient à couper du bois dans une futaie baignée de lumière automnale. Leurs haches s'abattaient avec une précision mécanique, projetant des éclairs d'écorce dans l'air frais. Le son sec des coups résonnait comme un métronome au cœur de la forêt, accompagnant ce spectacle simple mais hypnotisant. Pour Carver, cependant, rien dans cette tranquillité apparente n'était innocent. « Trop parfait, trop mécanique, » pensa-t-il, son regard aiguisé, suivant chacun de leurs gestes, avec une intensité presque caricaturale. Il ouvrit son carnet, griffonnant d'une écriture nerveuse, 11h47, synchronisation suspecte des mouvements. Possible entraînement militaire déguisé. Un frisson d'excitation le parcourut. Il dévissa son thermos et versa un peu de thé dans le couvercle métallique qui lui servait de tasse. L'arôme familier l'apaisa légèrement. Avec précaution, il en prit une gorgée, puis une autre. Tout d'abord, rien. Puis, lentement, une chaleur étrange monta le long de sa colonne vertébrale. Il sentit son cœur s'accélérer, une sueur froide perla sur son front. Il cligna des yeux plusieurs fois. Mais le paysage devant lui semblait vaciller légèrement, comme s'il regardait à travers une vitre déformée. Il rejeta la tête en arrière, pris d'un léger vertige. Quand il reporta son attention sur les jumeaux, la scène avait changé. Mathieu et Mathias n'étaient plus des bûcherons paisibles. Dans l'esprit délirant de Carothers, ils étaient devenus les terrifiants frères O'Leary, figures mythiques de l'Ira. Leurs haches scintillaient comme des armes sacrificielles, et leurs chemises trempées de sueur semblaient tachées de sang. « Oh mon Dieu, c'est eux !» murmura-t-il, la main tremblante. La forêt elle-même se transforma. Les ombres des arbres devinrent oppressantes, semblant se refermer sur lui. Un cri strident résonna dans sa tête, suivi d'un rugissement lointain qu'il prit pour des chants de guerre gaéliques. Les O'Leary s'activaient. Dans son esprit, leur rage ne s'abattait plus sur des troncs d'arbres, mais sur des loyalistes protestants ligotés et suppliants. Chaque coup retentissait avec une brutalité insoutenable. L'un des frères tourna lentement la tête dans sa direction et Carothers sentit un frisson glacé courir le long de son échine. « Ils savent que je suis là, » chuchota-t-il en s'accroupissant derrière un buisson. La paranoïa monta d'un cran. Il tenta de rationaliser. « Calme-toi, Carothers. Ils ne t'ont pas vu. Ils ne peuvent pas savoir. » Mais la vision se faisait de plus en plus précise. Il lui semblait distinguer leurs lèvres remuées comme s'ils psalmodiaient une incantation macabre. Son instinct lui criait de fuir, mais une voix intérieure, celle du héros qu'il croyait être, l'exhortait à intervenir. Il ne pouvait pas laisser ses assassins continuer. « Si je ne fais rien, ils ne s'arrêteront pas. » Il plongea la main dans sa poche, cherchant son arme, mais réalisa avec horreur qu'il n'avait pas de balle. Sa respiration s'accéléra. Il devait trouver une solution, et vite. Le cœur battant à tout rompre, Carothers émergea lentement de son abri derrière les buissons. Les cris imaginaires des loyalistes suppliciés par les O'Leary résonnaient encore dans son esprit, tels des échos d'un cauchemar éveillé. Il hésita entre intervenir ou battre en retraite. Puis, prudemment, il recula vers sa voiture, une Range Rover usée, dont la carrosserie maculée de boue semblait elle aussi avoir traversé des épreuves. Alors qu'il atteignait le véhicule, il s'arrêta un instant pour ajuster ses jumelles et observer une fois de plus les deux hommes. Les jumeaux, debout à côté de leur camionnette, manipulaient les troncs fraîchement coupés avec une synchronisation qui, aux yeux hallucinés de Carothers, ne pouvait être le fruit du hasard. Chaque tronc, massif et silencieux, n'était plus un simple morceau de bois, mais devenait, dans son esprit détraqué, les cadavres des victimes de O'Leary. La manière méthodique dont les frères les soulevaient, les transportaient, les rangeaient dans la benne, ressemblait à une opération macabre, une scène sordide de nettoyage après un massacre. Il ouvrit précipitamment son carnet et d'une écriture tremblante griffonna « 13h46, début de la phase nettoyeur ». Satisfait de sa note, il rangea les jumelles dans leur étui et descendit précautionneusement du talus sur lequel il s'était posté. Tandis qu'il avançait vers sa voiture, il marmonnait à voix basse, tentant de donner un sens à ses observations. S'il quitte la futaie, c'est qu'ils ont un autre point de dépôt, un lieu isolé, un marais, un lac. Oui, l'endroit idéal pour faire disparaître des corps. Il atteignit la portière de la Range Rover, mais fut soudain distrait par un éclat de couleur vive, plus loin sur sa gauche. Intrigué, il plissa les yeux avant de s'approcher, ses pas craquant sur les brindilles et les feuilles mortes. Lorsqu'il déboucha dans une petite clairière voisine, il s'arrêta net. Un cercle presque parfait de nains de jardin semblait l'attendre. Immobiles et silencieux, ils étaient disposés comme un étrange conseil de guerre, leurs regards fixes semblant transpercer l'air avec une autorité énigmatique. Carothers écarquilla les yeux, le souffle court. « Mais qu'est-ce que... » Il s'avança lentement, embrassant la scène du regard. Dans son esprit exalté, ces nains n'étaient pas de simples statuettes relâchées là par une bande d'étudiants facétieux. Non, ce qu'il voyait, c'était une unité spéciale de la Royal Irish Constabulary RIC, ressuscitée et prête à reprendre du service. Le détail qui le convainquit définitivement, leur alignement impeccable, comme s'ils attendaient des ordres. Les lèvres sèches, il murmura presque avec révérence. « McFadden, Peel, Maldon, vous êtes là, enfin !» Il s'approcha avec précaution, comme s'il redoutait de briser leur concentration. « Vous avez tenu bon, messieurs. Maintenant, à nous de passer à l'action. » Un par un, il les saisit et les installa avec soin sur la banquette arrière de la Range Rover. Chaque nain reçut un grade et une affectation. « Sergent McFadden, vous serez en charge de la logistique. Caporal Peel, des communications. Major Maldon, vous serez mon second. » Une fois les nains de jardin soigneusement installés sur la banquette arrière, Carothers referma la portière avec une révérence presque solennelle. Satisfait, il se dirigea vers le coffre pour préparer son arsenal. Mais en fouillant dans son sac, il s'immobilisa, frappé par une stupeur grandissante, sa boîte de cartouches était introuvable. « Impossible » pensa-t-il, en fouillant frénétiquement chaque recoin du coffre. Mais il dut se rendre à l'évidence, les munitions avaient disparu. En réalité, Betty les avait subtilisées avant son départ, exécutant discrètement les instructions de Victor. De toute manière, Carothers, simple archiviste chez Interpol, n'était pas censé disposer d'une arme chargée. Pourtant, ce détail, loin de le décourager, ne fit qu'alimenter son sentiment de défi. Il se redressa, ajusta soigneusement sa perruque rousse et marmonna avec une détermination farouche. « Très bien, pas de balles, pas de problème. Si MacGyver peut s'en sortir, moi aussi. » Son regard balaya les environs à la recherche d'objets qu'il pourrait transformer en armes. Au pied d'un arbre, un tas de pommes de pin séchées attira son attention. « Parfaite pour des grenades artisanales, » pensa-t-il. Il rassembla les pommes de pin et retourna à la voiture pour récupérer un vieux chiffon dans la boîte à gants. En déchirant le tissu en longues bandes, il commença à entourer les pommes de pin avec méthode, tout en discutant avec ses nouveaux alliés à l'arrière de la voiture. « McFadden, on peut avoir besoin d'une coordination parfaite. Ne laissez rien au hasard. Peel, notez ceci, nous sommes en terrain hostile. Chaque erreur peut être fatale. » Après avoir créé son premier arsenal improvisé, il récupéra un jerrycan d'essence dans le coffre, ajoutant une touche finale à ses grenades en imbibant les chiffons de carburant. Il trouva ensuite une scie rouillée abandonnée dans un bosquet qu'il considéra immédiatement comme une arme de corps à corps redoutable. Enfin, un morceau de tuyau métallique tordu devint, dans son esprit exalté, un tonfa prêt à l'emploi. Assis dans un Range Rover, les mains encore couvertes d'essence, Carothers se tourna vers ses compagnons de céramique et déclara « Messieurs, le plan est simple. Nous allons neutraliser les O'Leary, sauver les innocents et prendre d'assaut leur repère. Vous êtes prêts ?» Le silence immobile des nains ne le découragea pas. Il esquissa un sourire et continua « Parfait, vous êtes les meilleurs. Et ensemble, rien ne peut nous arrêter. » Il lança un dernier regard vers la clairière où les frères Taburet s'activaient toujours à entasser du bois, inconscient de l'assaut fantasmagorique qui se préparait. Dans l'esprit de Carothers, le destin de la forêt et peut-être du monde entier allait se jouer dans les heures à venir. Carthers, tapis dans sa Range Rover, scrutait la clairière à travers ses jumelles. Les frères Taburet, après avoir chargé leur camionnette, s'affairaient à arrimer les troncs avec des sangles, veillant à ce que rien ne bouge pendant le trajet. Mais dans l'esprit brumeux de Carthers, il ne sécurisait pas du bois. Il ligotait les corps pour les transporter en toute discrétion. « Messieurs, se sera-t-il à l'attention des nains alignés sur la banquette arrière, nous assistons à une opération d'envergure. Regardez-moi ces O'Leary, des professionnels, froids et méticuleux, pas une goutte de sang, pas un cri. » Il focalisa son regard sur Mathias, qui soulevait un tronc particulièrement massif avec l'aide de Mathieu. Pour Carothers, ce n'était pas du bois, mais une preuve macabre, une pièce à conviction. « Voilà une technique bien rodée. Ils ont dû apprendre ça dans les tourbières de la Honeg, » marmonna-t-il, en référence à un célèbre mari irlandais qu'il associa à ses fantasmes de complot criminel. Fébrile, il attrapa son carnet et nota avec une écriture nerveuse « 14h32, extraction des cadavres, hypothèse probable, immersion dans un marais pour effacer l'épreuve. » Dans la clairière, les Taburets, inconscients d'être observés, terminaient leurs préparatifs. Mathieu essuya la sueur sur son front d'un revers de manche et soupira. « Bon sang, c'est pas une vie, ça. J'en ai marre de marner comme un chien. » Accroupi à l'arrière de la benne pour attacher une dernière sangle, Mathias haussa les épaules avec un sourire en coin. « T'aurais préféré quoi ? Qu'on continue à jouer les chevaliers à longueur d'année ? L'été passe encore, mais en hiver, on se les gèle dans ces foutues côtes de mailles. » Le rire des deux frères résonna entre les arbres, clair et spontané. Mathieu, encore hilar, attrapa une branche tombée et l'agita comme une épée en bois. « À vous, sire Mathias, défenseur des bois et des écureuils égarés !» Mathias, toujours dans le jeu, se fendit d'une révérence exagérée. « Merci, seigneur Mathieu, noble protecteur des sapins. Mais si on traîne encore, on va vraiment se les peler !» Ils achevèrent leur tâche dans une dernière effusion de rire, refermant la ridelle de la camionnette dans un bruit sourd. Une tape sur l'épaule scella leur travail, et ils grimpèrent dans la cabine, toujours de bonne humeur. De son poste d'observation, Carothers ne voyait pas l'insouciance de deux frères rentrant d'une journée de labeur. Non, pour lui, tout cela n'était que jubilation morbide. Il baissa ses jumelles, jetant un coup d'œil vers les nains alignés à l'arrière de son véhicule. « Regardez-les, messieurs » éructa-t-il, les traits crispés par une rage contenue. « Ils rient de leur crime, ces maudits O'Leary, des monstres sans foi ni loi !» Il braqua de nouveau ses jumelles sur la clairière, observant les frères Taburet monter dans la cabine de leur camionnette. Le moteur ronfla doucement, prêt à les emporter. Carothers se redressa légèrement, une lueur de détermination illuminant son regard, et se tourna vers ses alliés alignés sur la banquette arrière. « Sergent McFadden, notez ceci, départ imminent pour un lieu de dépôt. » Puis d'un ton solennel, il poursuivit « Major Maldon, je veux une analyse tactique immédiate. Dites-moi, où devons-nous frapper pour les déstabiliser ?» Face au silence immobile des statuettes, Carthers hocha lentement la tête comme s'il recevait une réponse. « Vous avez raison, Maldon. Ils sont bons, mais pas invincibles. Pas pour moi. » Satisfait de son discours, il reporta son attention sur la camionnette qui s'éloignait lentement, ses jumelles rivées sur elle. Ajustant nerveusement sa perruque rousse, il marmonna. « Bien joué, O'Leary. Mais votre petit jeu ne trompe pas, hein, Carothers. Je suis prêt. » La Range Rover démarra dans un grondement, prête à suivre sa cible. Carothers, persuadé d'être à l'aube d'une grande victoire, ignorait encore que son combat était bien plus intérieur qu'extérieur. Assis dans sa Range Rover, les mains encore tachées d'essence, Carothers se tourna lentement vers ses compagnons de céramique, une gravité presque biblique dans le regard. Posant une main ferme sur le sergent McFadden, il inspira profondément, ses yeux fixant l'horizon où la camionnette des frères Taburet s'éloignait doucement. « Messieurs, l'heure est venue. Rappelez-vous bien ce moment. Ce n'est ni plus ni moins que celui où les troupes de Cromwell ont chargé les papistes à Drogheda, ou encore celui où les braves de la RIC ont tenu tête aux rebelles de Ballyknockan. » Il marqua une pause, laissant ses paroles résonner dans le silence solennel des nains. Puis, d'une voix vibrante, il déclara « Mais aujourd'hui, ce n'est pas Drogheda ni Ballyknockan. Aujourd'hui, c'est Belém. Et c'est à nous qu'il revient de défendre l'honneur de la couronne et de protéger les innocents tombés sous l'âge de ces démons. » Il désigna d'un geste théâtral les bûcherons à peine visibles, sa voix montant dans une intensité prophétique. « Regardez-les ! Ces O'Leary croient que leurs crimes resteront impunis. Ces cadavres qu'ils transportent ne sont pas de simples victimes. Ils sont le témoignage de leur barbarie, les preuves irréfutables de leur fanatisme destructeur. » Soudain, Carothers brandit une pomme de pin imbibée d'essence, comme un général levant son étendard avant la bataille. « Mais ils ont oublié une chose, messieurs, nous. Aujourd'hui, nous disons non. Non à l'oppression, non à la terreur, non à leur soi-disant victoire. » Son regard s'intensifia lorsqu'il le posa sur le major Meldon, attendant une approbation silencieuse qui, dans son esprit, ne tarda pas à venir. « Ce jour, Belém deviendra notre Drogheda. Ce jour, nos faits d'armes entreront dans l'histoire. » D'un geste brusque, il démarra la Range Rover, lançant son véhicule dans une poursuite effrénée derrière la camionnette des tabourets. « Pour la justice, pour les innocents et pour la couronne !» Alors que le moteur rugissait, les nains de jardin restèrent stoïques à l'arrière, figés dans leur immobilité de céramique. Mais dans l'imagination exaltée de Carothers, ils étaient des soldats prêts au combat, une escouade déterminée à venger les innocents. L'opération Glaive Vengeur, née dans l'esprit délirant de Carothers, venait officiellement de commencer.